Nyangi. Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grandes articulations. Le 16 juin de chaque année, le monde célèbre la journée de l'enfant africain. Selon différentes organisations de défense des droits de l'enfant, la budgétisation des besoins réels des enfants reste une préoccupation au Burundi, ce qui limite leur accès aux services essentiels, dit la FENADEB. Et des commerçants importants des marchandises de la Tanzanie via le poste frontalier de Garoumo en province de Changuzo disent éprouver des difficultés pour dédouaner leurs marchandises et l'office burundais des recettes OBR s'y penche, rassure le porte-parole du dit office. La digitalisation au ministère de la Justice a déjà commencé en vue de désengorger les prisons du Burundi, qui abritent aujourd'hui plus de 10 700 détenus, a annoncé ce lundi le ministre de la Justice à l'Assemblée nationale. Vous aurez les détails dans cette édition mise en onde par Albert Douayo. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Bienvenue encore une fois, page justice pour débuter cette édition. Plus de 10 700 détenus sont recensés dans les prisons du Burundi. Une précision du ministre de la Justice ce lundi à l'Assemblée nationale lors de la présentation d'un rapport de la Cour des comptes sur l'audit de la gestion de la Direction générale des affaires pénitentiaires des GAP, cas des prisons de Gitega et de Bururi. Certains députés estiment que des détenus acquittés mais croupissant toujours en prison ainsi que d'autres dont les dossiers ont été perdus sont les causes de cette surpopulation carcérale. Et Domine Banyankimbona, ministre de la Justice, a rassuré que la digitalisation des services a déjà commencé pour qu'aucun dossier ne soit plus perdu. Le point avec Clovis Niyonkuru. Comme l'indiquent certains députés, la justice au Burundi est un domaine qui connaît plusieurs défis, expliquant la surpopulation carcérale. Ces élus du peuple parlent notamment des détenus acquittés mais non libérés et les dossiers qui sont perdus. Pamphile Malaika, quant à lui, demande à Ka la digitalisation effective dans le but de désengorger les prisons. Même le président de la République a aussi indiqué que certains services ont besoin de la digitalisation pour éviter certaines préoccupations des citoyens. Je voudrais savoir précisément quand la digitalisation sera effective. Cela pourrait servir à mettre fin à la question des dossiers qui sont souvent perdus. Domine Banyankimbona, ministre de la Justice, tranquillise que la digitalisation a déjà commencé. Il ajoute qu'ils ont déjà commencé avec l'archivage moderne. Nous avons déjà commencé la digitalisation pour d'ailleurs mettre en application l'orientation du président de la République. Même si ça nécessite beaucoup de moyens, aller à la cour d'Obobanza, au nord, nous avons déjà commencé ce qu'on appelle archivage moderne. Donc, la situation s'avance bien. Malgré cela, plus de 10 700 détenus sont actuellement enregistrés dans tout le pays. Toutes les prisons du Burundi ayant une capacité d'accueil de 4 194 prisonniers. Clovis Niyonkuru, le 16 juin de chaque année, l'on célèbre la journée de l'enfant africain et c'est en mémoire des enfants tués lors du soulèvement étudiantin de 1976 à Soweto, en Afrique du Sud. C'est un événement visant à reconnaître le courage des étudiants qui ont défendu leur droit à l'éducation et à sensibiliser sur les défis auxquels les enfants africains sont confrontés aujourd'hui. Certains habitants de la zone urbaine de Buterere témoignent qu'il y a des enfants burundais qui vivent dans de mauvaises conditions suite à la précarité que connaissent leurs familles. Ces derniers témoignent qu'ils ne peuvent pas bien assurer les 3 repas quotidiens ainsi que les soins de santé malgré la politique de gratuité. Ces habitants voudraient que cette situation change. Suivez ce micro-baladeur. Il y a des enfants burundais qui vivent le calvaire sans que ce soit eux qui soient responsables de cette situation. Et d'autres sont des délinquants. Mais tous ces enfants veulent vivre car c'est leur droit. Mon avis est que tout a changé à cause de la cherté de la vie. L'enfant burundais a besoin de beaucoup de choses, que ce soit sur le plan de l'éducation, sur le côté vestimentaire, ainsi que l'alimentation. Et si l'enfant et en bas âge, tout dépend de ses parents. S'il manque de moyens, l'enfant ne peut pas bien continuer l'école car ventre affamé n'a point d'oreille, il ne peut rien comprendre. Nous ne pouvons pas bien nourrir nos enfants convenablement. On ne leur donne pas la nourriture le matin. S'ils arrivent à avoir le repas de midi, ils rendent grâce au ciel. Cela est dû au fait qu'il y a eu une dévaluation de la monnaie burundaise. Si tu échanges 1000 francs dans 10 000, il ne te reste presque rien. Nous vivons dans cette situation. Et nos enfants ne vivent pas comme nous voulons. Les hôpitaux publics ne respectent pas la mesure de gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans. Car on nous prescrit des médicaments et on nous dit d'en acheter alors que nous n'avons pas d'argent. Des fois, il y a des enfants qui meurent. Dites-leur de nous donner des médicaments s'ils sont disponibles pour qu'on puisse les donner à nos enfants. Nous sommes au courant que le gouvernement a déjà décrété la gratuité des soins pour les enfants, mais il se fait qu'il arrive des fois où on te demande tous les papiers et qu'on t'enregistre et qu'on te prescrive des médicaments. Et par après, on te dit qu'il n'y en a pas. Il devrait nous dire clairement s'il y a cette gratuité de soins ou pas. S'il trouve que cela n'est pas possible, qu'il nous l'annonce comme cela, on se préparerait en connaissance de cause. Si cela est ainsi, on accepterait de dormir ventre creux tout en sachant que nous allons faire soigner notre enfant. Penama, cette situation, qu'ils cherchent les familles démunies afin de pouvoir les aider en leur donnant un petit capital pour qu'ils cherchent de quoi manger. Dans la même rubrique, le budget alloué au secteur de l'éducation au Burundi a diminué, représentant 12% depuis l'année scolaire 2023-2024. Ceci ressort d'un communiqué de presse de ce lundi de la coalition pour l'éducation pour tous, Bafashebige. Et Nathalie Mfanouguhora, vice-présidente de cette coalition, indique que la dite coalition s'inquiète de cette réduction du budget de l'éducation passant de 16% en 2015 à 13,5% en 2023. Suivez. Le Burundi a inscrit les droits de l'enfant dans ses engagements politiques et juridiques. Toutefois, les disparités d'accès et de réussite scolaire persistent, en particulier pour les filles, les enfants handicapés et ceux issus des milieux défavorisés. En effet, depuis l'installation de la gratuité de l'enseignement primaire, des progrès notables ont été réalisés en matière d'accès. Cependant, de nombreux enfants continuent de faire face à des barrières structurelles, classes surchargées, manque de matériel scolaire, pénurie d'enseignants et infrastructures inadaptées. Ces lacunes affectent gravement la qualité de l'enseignement et compromettent l'égalité des chances. Voici des données statistiques sur le financement de l'éducation de base au Burundi. En 2023-2024, le budget alloué au secteur de l'éducation a diminué, représentant 12,7% du budget national, soit environ 174,1 millions SAID. Cette baisse contraste avec l'objectif international de consacrer au moins 20% du budget national à l'éducation, conformément aux recommandations de l'UNESCO. La coalition EPT Bafashebige s'inquiète notamment de la réduction du budget de l'éducation, passé de 16% en 2015 à 13,5% en 2023, bien en descendant des 20% recommandés par l'UNESCO. L'absence de budgétisation sensible au genre, qui empêche de répondre aux besoins spécifiques des filles et des enfants en situation de handicap. Le manque d'indicateurs clairs pour suivre l'impact des allocations budgétaires sur l'accès équitable à l'éducation. La faible participation des enfants et des communautés dans les processus de planification éducative. Globalement, malgré des efforts visibles, le gap financier comparé à la moyenne régionale et aux besoins réels reste important, notamment pour soutenir l'éducation inclusive des filles et groupes marginalisés. Le budget actuellement alloué aux droits des enfants au Burundi est insuffisant au regard des besoins réels en matière des droits de l'enfant. Une préoccupation soulevée par le porte-parole de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB, dans une déclaration à cet effet. Ferdinand Simbaruhije indique en outre que cette insuffisance budgétaire limite l'accès des enfants aux services essentiels, entravant ainsi la réalisation de leurs droits. On l'écoute. À l'occasion de la journée de l'enfant africain, édition 2025, FENADEB s'associe aux enfants, parents, éducateurs, organisations de société civile et États africains pour célébrer cette journée. Le thème est retenu par le comité africain d'experts de l'Union africaine et planifié et budgétisé pour les droits des enfants, car les droits de l'enfant, aussi fondamentaux soient-ils, ne peuvent être garantis sans des ressources suffisantes. La FENADEB constate avec préoccupation que le budget actuellement alloué aux enfants au Burundi reste largement insuffisant au regard des besoins réels en matière de protection, d'éducation, de santé et d'accompagnement social. Cette insuffisance budgétaire limite considérablement l'accès des enfants aux services essentiels et entrave la réalisation effective de leurs droits. Je recommande à l'endroit du gouvernement du Burundi d'intégrer pleinement les droits de l'enfant dans la planification et la budgétisation nationale et locale en augmentant les allocations budgétaires pour les services sociaux essentiels, notamment l'éducation, la santé, la protection, la justice juvénile. Accélérer l'adoption du code de protection de l'enfant afin de doter le pays d'un cadre juridique renforcé et conforme à la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant. Institutionnaliser la budgétisation sensible aux droits de l'enfant en formant les planificateurs budgétaires à tous les niveaux pour une prise en compte effective des besoins spécifiques des enfants. Aux organisations de société civile, agences onusiennes, structures de protection de l'enfance et autres partenaires, renforcer la veille citoyenne et le plaidoyer pour une meilleure mise en œuvre des engagements en faveur des enfants. Soutenir les initiatives communautaires et les structures locales de protection de l'enfance en mettant l'accent sur le renforcement des capacités et la coordination locale. Aux médias et à la communauté nationale, promouvoir une culture de respect et de protection de l'enfant en diffusant des messages éducatifs, en dénonçant les abus, en valorisant les bonnes pratiques. La FENADEB réaffirme son engagement à collaborer avec toutes les parties prenantes pour que chaque enfant au Burundi puisse grandir dans la dignité, la sécurité et l'égalité des chances. Investir dans les droits de l'enfant, c'est investir dans l'avenir du Burundi. Et au Burundi, cette journée de l'enfant africain sera célébrée ce mardi en province Ngozi. Isanganiro, la radio de l'avenir. Parlons commerce à 18h14 dans les studios de la radio Isanganiro. Certains commerçants grossistes de la province de Changuzo se plaignent quant au dédouanement des marchandises en provenance de la Tanzanie, dépassant 2 000 $ arrivés sur les lieux de dédouanement. Ils disent qu'ils ont des difficultés pour payer les frais à l'office burundais des recettes OBR. Et le gouverneur de la province de Changuzo précise que cela perturbe leurs activités en les exigeant d'aller à Gitega ou à Muyinga pour faire le dédouanement. Et l'OBE rassure que la question est sous analyse. Le point avec Jean-Marie Mayonga. C'est un des commerçants de la province de Changuzo exerçant le commerce transfrontalier entre le Burundi et la Tanzanie qui se lamente disant qu'ils ont des difficultés pour dédouaner leurs produits dépassant 2 000 $ quand ils arrivent à la frontière de Gahumo. Ces commerçants signalent qu'ils enregistrent une perte énorme vu la distance parcourue pour aller à Gitega ou à Muyinga pour faire le dédouanement. Pour ces commerçants, ils travaillent à perte à cause du manque du bureau de l'Office burundais des recettes à Changuzo pour exercer le dédouanement de leurs produits sans être fatigués. Boniface Banyizako, gouverneur de la province Changuzo, précise que le manque des bureaux de l'Office burundais des recettes sur la frontière Gahumo perturbe les activités de ces commerçants. Les défis que nous avons, il y a d'abord l'impraticabilité routière. Nous n'avons pas de route. Vous voyez que c'est un paysan de la campagne à cultiver. Il a besoin quand même d'avoir accès au marché. Nous avons cet impact surtout négatif pour atteindre le marché parce que nous n'avons pas de route. autre défi que nous avons, c'est les frontières. Parce que sur les frontières, on devrait avoir au moins des bureaux de l'OBR, mais on n'a pas ces bureaux. Si par exemple un commerçant, ou bien deux commerçants se mettent ensemble pour aller s'approvisionner en Tanzanie, faire des importations, quelquefois ils ont des problèmes. Ils arrivent sur la frontière, à l'OBR, ils ne sont pas capables de faire un dédouanement des marchandises excédant 2000 dollars. Donc si ça excède 2000 dollars, c'est que ce commerçant doit passer par la frontière jusqu'à Aktega ou bien à Amoyinga pour le dédouanement. Vous sentez que dans ce cas, alors les prix doivent monter, alors que ça devrait quand même diminuer compte tenu de la distance parcourue. Au sein de l'Office burundais des recettes OBR, via son porte-parole Stanning Ndakumana, l'OBR est au courant de cette situation et est en train de moderniser les infrastructures dans cette localité. Les préoccupations des commerçants exerçant le commerce transfrontalier, si je me permets la tautologie, est entre le Burundi et la Tanzanie transitant sur les frontières citées et connues de l'Office burundais des recettes. Et l'OBR y travaille dans la modernisation de l'infrastructure et pouvant faire à ce que ces postes soient transformés en bureaux de douane. Alors, le fait que les gens de Ruyigi et de Changuzo doivent venir à Gitega ou à Kobero pour dédouaner leurs marchandises est lié au respect de la loi sur la gestion des douanes de la communauté est-africaine et qui stipule que les marchandises ayant une valeur inférieure à 2000 dollars doivent le dédouaner sur le poste de douane et ceux qui ont des marchandises ayant une valeur de plus de 2000 dollars doivent le faire au bureau des douanes. Alors, pour travailler à ces préoccupations, l'OBR est en train de moderniser l'infrastructure, je le disais. À Gahoumo, par exemple, on est en train de réfléchir sur l'affectation du personnel suffisant et les équipements. Le double déplacement pour dédouaner les marchandises à Guité ou à Muyinga serait une des causes de la hausse des prix selon ces commerçants. Jean-Marie Mayonga et trois personnes détentrices des débits de boissons sont au cachot de la police judiciaire d'Ngozi. Depuis samedi soir, elles ont été appréhendées par la police accusées de spéculation sur les produits Braroudi. Le prix d'une bouteille d'Amstel Bright a été revu à la hausse jusqu'à au moins 1000 francs burundais et la police dit qu'elles seront sanctionnées conformément à la loi. Parmi les sanctions figure une amende de 500 000 francs burundais. D'après la police, une information que nous devons vont à Apollinaire Muzagara. Radio Isanganiro, chronique sport. Les Jeux sont d'une importance capitale pour la croissance physique et la santé de l'enfant dès son bas âge. À propos de l'expert en santé et psychologie, Onesfor Nyabende ajoute que les Jeux peuvent aider les enfants à grandir avec des talents qui puissent les aider à être des professionnels. À l'âge adulte, il demande aux parents à être disponibles, à accompagner leurs enfants et à la pratique des Jeux. La chronique sportive de ce lundi avec Évariste Nzikobanyanga. Le jeu d'hiver à l'endroit des enfants mineurs ont plusieurs facteurs dont le divertissement ou l'épanouissement de ces derniers. Onesfor Nyabenda, expert en santé et en psychologie, explique qu'à part l'épanouissement de l'enfant, ces jeux ont un impact sur le développement de l'enfant et sa vie future. Par jeu, il faut entendre la manière d'épanouissement de l'enfant, la manière de développement, de stimulation, des sens et de l'enfant. Donc, il faut entendre que le jeu a une importance. Il faut entendre que le jeu a un impact sur le développement de l'enfant et aussi sur sa vie future. Donc, si je parlais aussi de l'importance des jeux, ça permet de distraire l'enfant. C'est le principal moyen d'apprentissage de l'enfant. Parce que via le jeu, l'enfant apprend beaucoup de choses sur ce qui l'entoure, dans son environnement. Il s'épanouit. Ça lui permet aussi de faire la concentration. Ça lui permet de développer sa mémoire, ça lui permet de résoudre certains problèmes, ça renforce l'amour entre l'enfant et ses proches, et aussi entre l'enfant et ses parents, ça renforce l'affection. Donc, et c'est un temps ou un lien affectif entre l'enfant et l'adulte. Des défis ne manquent pas selon toujours cet expert. Il indique que certains parents ne savaient pas l'importance des jeux pour enfants suite à la culture. Où se méfient de ces jeux, poursuit-il? Le défi que je pourrais citer, ce sont des défis liés à la culture. Parce que ici, nous avons l'habitude de dire qu'il y a des jeux réservés aux enfants garçons et aux enfants adultes, alors que tous jeux peuvent aider l'enfant à se développer. Parce que dans le temps, par exemple, on ne parlait pas des footballeurs féminins. Mais actuellement, ils existent. Donc ça aussi, c'est un facteur limitant pour certaines catégories. Mais aussi, l'incompréhension des parents toute l'importance des jeux. Parce que actuellement, il y a des parents qui ne comprennent pas quel jeu renforce l'enfant dans son développement. À part son importance à la santé de ses enfants, le jeu aide ces derniers au renforcement de leurs talents, quitte à devenir professionnel à l'âge adulte et vivre grâce au sport. À partir du jeu, l'enfant commence par de petits jeux, mais peuvent devenir une personne très célèbre. Ça, je parle par exemple des footballeurs. Vous voyez qu'il commence par des petits jeux. Vous voyez à la maison, il joue dans des petites équipes. Et dans l'avenir, s'il apprend bien, il peut devenir un footballeur célèbre. C'est à titre d'exemple. Onesor Nyabenda demande aux parents de ne pas négliger les jeux pour enfants, mais plutôt leur accorder du temps pour aller jouer avec les autres et les accompagner dans la mesure du possible. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Mireille Kanyangi.